Le lendemain, à son réveil, il reçut par la poste un bon de 15 000 francs sur la banque. Ce chiffon de papier lui représenta 15 gros sacs d'argent. Il se dit qu'avec une somme pareille, il pourrait, d'abord, garder sa voiture pendant 3 ans, au lieu de la vendre, comme il y serait forcé prochainement, ou s'acheter 2 belles armures damasquinées qu'il avait vues sur le Quai Voltaire. Puis, quantité de choses encore, des peintures, des livres, et combien de bouquets de fleurs, de cadeaux pour Madame Arnoux. Tout, enfin, aurait mieux valu que de risquer, que de perdre tant d'argent dans ce journal. Des lauriers lui semblaient présomptueux, son insensibilité de la veille le refroidissant à son endroit. Et Frédéric s'abandonnait à ses regrets quand il fut tout surpris de voir entrer Arnoux, lequel s'assit sur le bord de sa couche, pesamment, comme un homme accablé. « Qu'y a-t-il donc ? Je suis perdu. » Il avait aversé, le jour même, en l'étude de maître Beauminet, notaire rue Sainte-Anne, 18 000 francs, prêtés par un certain Vanneroy. C'est un désastre inexplicable. Je lui ai donné une hypothèque qui devait le tranquilliser, pourtant. Mais il me mena d'un commandement s'il n'est pas payé cet après-midi, tantôt. Et alors ? Alors, c'est bien simple. Il va faire exproprier mon immeuble. La première affiche me ruine, voilà tout. Ah ! Si je pouvais trouver quelqu'un pour m'avancer cette maudite somme-là, il prendrait la place de Vanneroy et je serais sauvé. Vous ne l'auriez pas par hasard ?